Joseph Sabiyabandi. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Isanganiro. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Un certain Bukuru de la colline Rugenge, nous sommes en commune Mhanda de la province Ebubanza, a été tué ce vendredi par son voisin. La mésentente sur le partage des eaux d'irrigation serait à la base de ce meurtre. La recrudescence du vol de véhicules s'observe en mairie de Bujumbura. Le ministère de la Sécurité publique conseille les propriétaires des véhicules de prendre elles-mêmes des dispositions pour empêcher ces vols. Le concubinage et l'infidélité sont monnaie courante en commune Mhanda de la province Ebubanza. L'administrateur conseille les habitants de cette commune d'abandonner ces comportements. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Un certain Bukuru de la colline Rugenge en commune Mhanda de la province de Bubanza a été battu à mort par son voisin qui l'accusait d'avoir détourné l'eau d'irrigation dans son champ. Selon les témoins sur place à Rugenge, c'était ce jeudi que Ngurinzira a trouvé dans son champ son voisin Bukuru et suite à un conflit de partage d'eau d'irrigation, ils se sont bagarrés. Bukuru, grièvement blessé, a été évacué à l'hôpital général de Mhanda où il a succombé ce vendredi. Le présumé auteur du crime a été arrêté pour question d'enquête selon la police sur place. Toujours sur la page sécurité, recrudescence de cas de vol de véhicules en mairie de Bujumbura. Des véhicules souvent visés sont ceux qui sont stationnés devant les infrastructures publiques. La police indique que ce phénomène n'est pas du tout nouveau, mais conseille aux conducteurs de véhicules de prendre certaines stratégies pour l'éradiquer. Le porte-parole adjoint de la police leur demande notamment de ne pas laisser les clés de contact à la portée de tous, puisqu'elles peuvent être piratées facilement. Suivez Moïse Nkurunziza, il est porte-parole adjoint de la police. Le vol de véhicules existe, mais ce n'est pas un phénomène nouveau ou inhabituel. Et toutefois, tout véhicule volé préoccupe les forces de sécurité. Ainsi, le ministère de la Sécurité publique voudrait porter connaissance aux propriétaires ou aux conducteurs de véhicules certaines mesures de précaution pour ne pas exposer davantage les véhicules au vol. Il ne faut jamais donner les véhicules à n'importe qui. Là, on voudrait cibler les gens qui donnent les véhicules à location ou d'autres qui laissent les véhicules sur des stations de lavage. Là, le constat est que dans des cas pareils, certains gens vont photocopier les clés de contact et après ils vont remettre le véhicule et la clé bien sûr au propriétaire, au conducteur, mais ils vont poursuivre ce véhicule parce qu'il possède déjà une clé de contact. Et une fois que le propriétaire ou le conducteur garde son véhicule à un certain endroit, ces voleurs, ils viennent et ils ouvrent le véhicule comme si leur appartient. Alors, il faut ne pas laisser la clé de contact parce que ça peut tomber dans de mauvaises mains. Et à certains lieux de rassemblement où existent des agents de sécurité qui donnent des cartes à l'entrée, et il est strictement interdit de laisser ces cartes dans le véhicule car le voleur en possession de cette carte et qui parviendrait à ouvrir le véhicule, il va le faire sortir tranquillement parce que les agents de sécurité, une fois récupérés les cartes, ils vont laisser le conducteur comme si c'est le vrai conducteur alors que c'est un voleur. Et pour les victimes, nous les demandons d'aviser la police le plus rapidement possible pour une poursuite conséquente et rapide. En dernier lieu, nous demandons aux conducteurs en général des véhicules de faciliter les agents de sécurité en obtempérant aux injonctions de ces derniers dans l'exécution de certaines mesures prises par l'autorité dans le sens de rechercher le véhicule volé est déjà déclaré. Moïse Nkurunziza est le porte-parole adjoint de la police. Toujours sur la page de sécurité, toute personne exerçant quotidiennement les activités à Kobero, frontière burundo-tanzanienne, doit être clairement identifiée et des listes établies par l'administration. Innocent Haringanja, administrateur de la commune Butihinda, déclare que c'est pour faciliter le contrôle des mouvements des personnes afin de débusquer d'éventuels malfaiteurs. C'est après l'assassinat ce vendredi de deux personnes non loin de la frontière. Dieudonné Zeiman. Renforcer le contrôle des personnes fait partie des stratégies pour préserver l'ordre à Kobero, frontière burundo-tanzanienne. Ici, sur kit des commerçants, des conducteurs de véhicules, des motos, il y a du business permanent, des changeurs de monnaie, des hôtels et restaurants. Désormais, toute personne exerçant ses activités de façon permanente à Kobero devra être identifiée, des listes établies, opération qui sera faite par l'administration locale. Innocent Haringanji, administrateur de la commune Wutihinda, précise que c'est pour lutter contre la présence des délinquants sur place. Cela permettra de démasquer les probables malfaiteurs. C'est après l'assassinat de deux hommes, dont un certain Isaac Nzeimana, changeur de monnaie, fusillé à 19h vendredi sur la route Kobero frontière vers Kobero centre de négoce. Des individus ont déjà été arrêtés dans le cadre des enquêtes. Dénoncer toute présence douteuse lance l'administrateur de la commune Wutihinda pour qui, de la sorte, on pourra prévenir d'autres forfaits. Dieudonné Nzeimana, Domoinga pour la radio Isanganiro. Nous disons merci à Dieudonné Nzeimana et sur la page Société, le concubinage et l'infidélité sont monnaie courante dans la commune d'Omanda. Nous sommes dans la province de Bubanza. Certaines personnes qui vont y chercher du travail se font passer pour des célibataires alors qu'ils ont des femmes dans leur localité d'origine. L'administration fait savoir qu'elle ne cesse de sensibiliser la population pour abandonner cette pratique. Les détails, c'est avec Florence Ndaïlagidji. Cette femme affirme que son mari a une concubine. Elle indique que son mari s'est refusé de rester avec elle alors qu'il ne donnait naissance qu'aux filles. Mon mari a contracté un crédit bancaire et après l'avoir contracté, il est parti et il a gaspillé cet argent au concubinage. Nous sommes deux épouses à lui. Il effectue une alternance. Tantôt il rentre, tantôt il va chez l'autre femme. Il a même été emprisonné parce qu'il a violé la mesure du gouvernement de régulariser le mariage. Il explique qu'il a été amoureux et que moi je ne donne naissance qu'aux filles. On se voit souvent, mais quand elle me rencontre, elle se cache. On a peur l'une à l'autre. Emmanuel Habyarimana accepte qu'il a une concubine. Pour lui, si le gouvernement exige de ne garder qu'une seule femme, il dit qu'il ne va pas résister, mais que sa concubine doit d'abord lui donner son enfant. Je suis marié illégalement avec deux femmes. La première est légale, mais la deuxième ne l'est pas. Comme le gouvernement n'accepte pas la polygamie, la femme illégale va rentrer chez eux. Et quant à moi, je vais rester seulement avec mon enfant. Nyonishu Rosette, l'une des élues collinaires, indique que la polygamie est fréquente dans cette localité. Depuis le mois de juin, Sindayihebura Boniface, secrétaire de la commune Manda, indique qu'au niveau communal, c'est pas facile à identifier ceux qui pratiquent ce phénomène. Il nous est difficile à gérer des cas pareils. Par exemple, quelqu'un t'informe qu'il est encore célibataire, alors qu'il ne l'est pas parce qu'il a son propre épouse. Cette épouse va découvrir que son mari est avec une autre femme et qu'ils se sont déjà enregistrés à l'état civil. Et dans ce cas, les invite à recourir auprès de la justice. Sindayihebura Boniface ajoute que les affaires que l'administration ne parvient pas à régler sont envoyées dans les tribunaux. Merci à Florence et Ndaïlagije. Sur la page éducation, le manque de manuels scolaires dans les deuxièmes années post-fondamentales inquiète les directeurs des écoles et les enseignants de Lumongue qui redoutent déjà un non-achèvement des programmes. Le directeur provincial de l'enseignement à Lumongue s'est gardé de tout commentaire quant à la date de la disponibilité de ces documents. Jean-Pierre Misago. Une semaine après le début du deuxième trimestre de l'année scolaire en cours, aucun manuel scolaire n'est encore disponible dans les deuxièmes années post-fondamentales, que ce soit du côté enseignant, que ce soit du côté écolier. Les enseignants des deuxièmes années post-fondamentales qui ont terminé les programmes du premier trimestre et qui ont déjà corrigé les examens du premier trimestre font passer des exercices de renforcement des acquis et ceux qui étaient en arrière achèvent les enseignements. Premier trimestre, les directeurs d'école et les enseignants en ordre craignent le non-achèvement des programmes du deuxième trimestre et partant de toute l'année scolaire. Ils indiquent que ce deuxième trimestre n'excède pas 2 mois et 1 semaine qui passe et du temps perdu vu que les programmes sont élaborés hebdomadairement et de demander au ministère de tutelle de rendre disponibles les manuels avant qu'il ne soit trop tard. À la question de savoir à quand ces manuels seront disponibles, Adrien Savouchimik, directeur provincial de l'enseignement Rumonge, s'est gardé de fournir une quelconque réponse. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanga. Radio Isanganiro Chronique. L'association des chefs de chœur du Burundi, dénommée A Cappella du Burundi, projette de répertorier des chants traditionnels qui représentent toutes les régions du pays dans leur diversité. Selon Christian Pario, ethnomusicologue et docteur en musique, pour réaliser ce travail, il faudra un plan bien étudié, une méthodologie et des techniques appropriées. Les détails, c'est dans cette chronique Art et Culture signée Christian Savier. Les jeunes chefs de chœur du Burundi vont travailler sur un grand projet de recherche en musique burundaise dans sa diversité qui les amènera au plus profond du pays. Ils sont organisés en association après une formation reçue et dispensée par Christian Pario, ethnomusicologue français, chef de chœur, docteur en musique. Il nous en parle. La première fois, nous avions fait une formation pour les chefs de chœur. Et puis aussi, nous avions créé en quelque sorte une chorale qui s'appelle le chœur a cappella du Burundi. Et suite à cette première formation qui a eu lieu en février dernier, je suis donc revenu pour continuer la formation au niveau du chant choral, mais aussi pour lancer un projet d'inventaire du patrimoine musical par le biais d'une formation aux techniques de l'ethnomusicologie. Lancer un tel projet d'inventaire du patrimoine du Burundi est un grand projet difficile et qui va durer. Mais cette association A Cappella a un plan que le docteur en musique Christian Pario nous explique. Oui, alors on est en train de peaufiner un peu. Ce projet va être le fait d'une association que nous allons créer, qui va s'appeler l'association A Cappella du Burundi. Dans cette association, il y a l'idée donc de réaliser l'inventaire du patrimoine musical du pays. Et on forme là, cet inventaire, il va être fait par les Burundais eux-mêmes. Pour y arriver, il faudra 3 phases. Donc on était à la première phase, il y aura 3 phases. Première phase, donc on initie, on forme aux techniques du collectage ethnographique. On a eu un premier relevé de chants qui ont été amenés et on a mené des enquêtes sur ces chants pour en comprendre la fonction, le sens. Et puis nous ajoutons aussi une connaissance musicologique, c'est-à-dire qu'on étudie la structure musicale de ces chants. Voilà, ce qui n'a jamais encore été fait. Cet inventaire, une fois réalisé, ou parallèlement, eh bien nous voulons faire de cet inventaire la richesse d'un nouveau répertoire, qui sera le répertoire du chœur a cappella, qui fera partie, bien sûr, de l'association. Donc ce chœur, il aura comme répertoire un répertoire constitué, élaboré à partir de la tradition, mais dans une version polyphonique et chorale. Donc on va, de cette tradition, on va en faire une version moderne, à travers des arrangements nouveaux pour chœur. Et pour cela, il faudra des vrais compositeurs, des vrais arrangeurs. La procédure choisie pour arriver sur terrain et recueillir ces chansons, c'est dans la chronique Art et Culture de samedi la semaine prochaine. Nous disons merci à Christian Savier pour cette chronique Art et Culture. C'est sur la même chronique que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. revue de la presse. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous situez. L'hebdomadaire Iwachu revient sur les cotisations des travailleurs domestiques. Les domestiques sont sommés de cotiser, d'acheter la carte d'identification et la somme n'est pas modique selon le journal. La carte s'obtient en effet à 7300 francs burundais, les photos 2500 et une contribution mensuelle de 500 francs. Ne nous voilons pas la face, tout employeur burundais connaît le salaire mensuel de son travailleur domestique. Et le journal de poursuivre que l'adhésion à une association est volontaire, on ne devrait pas être forcé. Iwachu estime que les raisons avancées par le représentant du collectif des associations qui défendent les travailleurs domestiques ne tiennent pas debout. C'est pour pouvoir connaître tous les domestiques ainsi que les domiciles de leurs employeurs. C'est pour des raisons de sécurité que cette identification des domestiques a été instaurée. Rétrospective sur 2017, Iwachu est revenu sur les événements qui ont défrayé la chronique. 2017, une année bien chargée en politique notamment. La politique a été marquée par plusieurs événements, dont un processus d'Arusha au point mort, l'appel à la contribution aux élections de 2020, le référendum en vue, le retour de certains politiques, etc. Notre confrère parle également de l'économie. Il évoque le manque de devises, la hausse des prix de l'électricité, l'inflation galopante, la réhabilitation des marchés à mairie de Bujumbura, des événements importants qui, selon lui, ont marqué l'année 2017. Et l'hebdomadaire d'écrire dans un titre que « Quand le franc bout tousse, l'économie s'enrhume ». Et en matière des droits de l'homme, l'année a été marquée par les rapports présentés sur la situation au Burundi et le retrait de ce dernier de la Cour pénale internationale CPI. Bujumbura a rejeté tous ces rapports et parle plutôt des rapports fondés sur des informations erronées. Revue de la presse. L'agence burundaise de presse rapporte le clin d'œil que fait la ministre de l'Éducation nationale au Burundi sur les études à distance et à l'étranger. En effet, la ministre Janvière Ndirahisha demande aux parents de s'informer suffisamment avant de faire inscrire leurs enfants dans des universités étrangères afin de ne pas perdre de l'argent par manque d'informations nécessaires. D'après un communiqué du ministère de l'Éducation cité par le quotidien ABP, des enquêtes diligentées révèlent par exemple que Madison International Institute and Business School n'est reconnu par aucun organisme d'accréditation légale aux États-Unis d'Amérique. Même localement, les choses ne sont pas roses, d'après le journal La Voix de l'enseignant, qui alerte sur le manque de support pédagogique au poste fondamental, surtout dans les classes de la deuxième année poste fondamental. Le gouvernement avait distribué les livres pour le premier trimestre, espérant produire le reste avant la fin de celui-ci, mais en vain, regrette cet hebdomadaire. En attendant, les enseignants se contentent de faire la révision de la matière du premier trimestre, ce qui, aux yeux d'un élève, risque de produire des conséquences fâcheuses à la fin du cycle lors de l'examen d'état, puisque les élèves auront avancé de classe sans avancer dans la matière, conclut la voix de l'enseignant. L'utilisation du Kirundi dans des ateliers, une bonne mesure, selon la communauté de blogueurs YAG. Elle revient ici sur la décision du ministère burundais de l'Intérieur que les ateliers organisés par des ONG étrangères à l'intérieur du pays devront désormais être animés par un Burundais et un Kirundi. Yaga émet des interrogations, entre autres, qui ne serait pas content quand sa langue natale est utilisée dans toutes les activités de son pays. Ne serait-ce pas bon qu'il y ait suppression des frontières entre les instruits et les non-instruits? Mais pour tout, le billet soutient que ceux qui ont pris la mesure prêchent par l'exemple. L'agence en ligne NetPress écrit sur un refus de collaboration suivi de suspension de l'aide par l'OHCR. Des réfugiés burundais qui ont refusé de se faire prendre des empreintes pour leur enregistrement, comme les autres, au Haut Commissariat pour les réfugiés dans la localité de Kamanyola, à l'est de la République démocratique du Congo. Ils sont plus de 3000, selon l'agence, constitués principalement par les adeptes de Zebing et Nakumana, celle-là même qui déclare souvent être en contact permanent avec la Vierge Marie. La raison majeure de ce refus est que cette pratique ne rencontre pas l'assentiment de leurs croyances. Cette agence onusienne, l'OHCR, qui avait fait plusieurs mises en garde, a dû suspendre les aides qu'elle octroyait à ses réfugiés. La sanction était prévisible, selon encore l'agence en ligne, qui explique que même d'autres Burundais en exil, au Rwanda, en Ouganda et en Tanzanie, avaient conseillé à ses compatriotes de se faire violence, n'offusque que pour l'intérêt de leurs enfants. Ainsi s'achève cette revue hebdomadaire de la presse qui vous a été présentée par Jean-Bosco Nduwimana et Léonce Vitaliho. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. À la prochaine. Revue de la presse.